Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous retrouvons maintenant Marie-Claude Dionne qui va nous parler d'insectes. Alors on pourrait croire qu'elle sort de son domaine, qu'elle est elle qui nous plonge régulièrement dans l'archéologie ou la préhistoire. Eh bien non, car les insectes font partie des pièces à conviction pour les archéologues qui tentent de comprendre de ce qui s'est passé sur un site archéologique. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, on parle d'archéo-entomologie, donc l'étude des insectes fossiles. Ouais. J'en ai déjà parlé un peu dans le passé, mais ce soir, je vais faire un genre d'entrée à la matière sur la répartition d'un certain type de coléoptères, les insectes ravageurs de céréales stockées, entre autres le Cytophilus, le taupin et le zèbre. Mais là, on pourrait se demander pourquoi s'en intéresser. Oui. C'est que ce sont des insectes qui sont synanthropes, donc qui vivent avec des humains. D'accord. Dans le domaine de l'archéologie, c'est une preuve tangible de la présence humaine sur un site. Ouais. C'est toujours pertinent, surtout lorsqu'on se retrouve sur un site archéologique qui n'a pas de documentation historique complémentaire. Et du moment où on va croiser l'archéologie à la biogéographie, on réussit à comprendre la répartition des hommes du passé à partir des insectes qu'on trouve. On les suit au lieu que ce soit les petits cailloux du petit pousset, on suit les des insectes. Des petits morceaux, oui, d'insectes. Les insectes, et on regarde où étaient les hommes du passé. Exactement. Et le cas présent, vous allez voir, la localisation des fossiles insectes corrobore assez bien l'emplacement connu d'établissements humains à travers l'espace et le temps. Je parlerai donc des données qu'on a à ce jour qui proviennent d'une compilation des recherches des 40 dernières années qui est paru récemment dans le Journal of North Atlantic. Mm-hmm. Mais encore faut-il que ces insectes aient été conservés sur le site, quand même, c'est pas gros un insecte. Exact. Donc qu'il n'ait pas été dégradé. En plus, un insecte, c'est quand même assez biodégradable habituellement. Aussi. Donc, quelles sont les conditions de préservation idéales pour retrouver ces insectes fossiles sur un site archéologique? On parle essentiellement d'un milieu qui est anoxique, donc il serait sans oxygène. Ça reste le meilleur environnement pour la conservation de l'insecte. On parle des milieux humides. La plupart du temps, on va retrouver nos fossiles qui vont être scindés en plusieurs morceaux, mais ça arrive dans des conditions extraordinaires que l'insecte va retrouver en un seul morceau, mais avec ses écailles et ses setailles. Je ne suis pas sûre de la prononciation de ce mot latin, mais en fait, c'est des poils microscopiques. Et c'est sûr que plus qu'on retrouve de morceaux sur notre échantillon, mais c'est plus facile de l'identifier par la suite. Donc, ça l'aide toujours. Mais pour revenir aux conditions de préservation, pour le cas des insectes ravageurs, on en retrouve beaucoup qui sont calcinés. C'est d'ailleurs la forme principale qu'on retrouve lorsqu'on est dans des zones arides. C'est assez logique. Il faut toutefois être assez prudent lorsqu'on parle d'insectes sur les sites archéologiques parce que lorsqu'ils sont vivants, ils se promènent beaucoup et ils peuvent aller sur un site archéologique. Et lorsqu'ils sont morts, mais c'est impossible à l'œil nu, même en faisant des tests, à savoir si notre insecte est mort en même temps que la couche archéologique, exactement, ou s'il s'est inséré après. Et s'il s'insère après, pour nous, ben ça devient un événement post-dépositionnel, donc ça veut absolument rien dire. Mm-hmm. Puis c'est difficile, on ne peut pas le savoir s'ils étaient là au moment des humains. Exactement. Ou si, d'accord. Et est-ce qu'on a retrouvé de ces vieux fossiles d'insectes? En fait, je suis curieuse, à quand remontent les premiers exemplaires de ces fossiles entomologiques? Mais les insectes ravageurs apparaissent dès l'Holocène, donc il y a 10 000 ans. Ce n'est pas très surprenant, c'est au moment où les hommes vont être un peu plus sédentaires. On va les retrouver en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et leur propagation à travers l'Europe et en Amérique du Nord, on est capable de la retracer assez facilement. C'est sûr qu'on a quand même à quelques endroits des trous, si on veut, dans le temps et dans l'espace. Ce qui est intéressant à noter toutefois, c'est que pour l'Angleterre, on se retrouve avec un dossier assez complet des deux derniers millénaires, à partir duquel il est possible de faire des modèles d'invasion, d'abondance et de composition des espèces qui peuvent être observées. Donc, c'est assez intéressant pour expliquer la biogéographie des lieux en Angleterre, ceci dit. Et l'association avec les humains des insectes ravageurs de céréales aurait été faite en premier lieu au Moyen-Orient. Mais l'origine aurait quand même pu être un peu plus à l'est, si on veut, vers l'Asie. Par contre, les données qu'on a présentement vers l'Asie, à ce jour, c'est quand même assez limité. Donc, on ne peut pas trop s'avancer là-dessus. Actuellement, la plus vieille trace d'insectes qu'on a retrouvée, qu'on pourrait dire qu'on aurait trouvé, provient du site Abu Ureya, qui est en plein cœur de la Syrie aujourd'hui. Mm-hmm. On aperçoit sur de l'épeautre calcinée, l'épeautre étant un grain de céréales, des trous qui sont caractéristiques du passage du coléoptère Cytophilus. Mm-hmm. Le problème, c'est que de cette découverte-là, c'est que le bouillonnement, lorsqu'on a une calcination de l'épautre, ça donne exactement la même, le même sorte de trou que le passage d'un insecte. Donc, c'est dur de les attribuer, c'est un bouillonnement ou c'est l'insecte. Exactement. Mmh. Donc, on est un peu, disons, en attente. Une source qui est plus certaine. On est en Anatolie, un peu plus tard, donc il y a 7000 ans, on a trouvé littéralement des fragments calcinés de l'insecte. Donc là, on en est très certain. Oui. On les a retrouvés dans un amas de blé et d'orge carbonisé. Donc là, on peut les pas deux se tromper. En même temps, là. Exactement. Oui. Un peu plus tard, pendant le troisième millénaire, on retrouve, ce qui est assez intéressant, le plus vieux récit d'insectes ravageurs de céréales. On l'a sur une tablette qui est nommée la Oura Ubulu et on va y lire une liste de 33 noms d'insectes ravageurs. C'est assez intéressant. C'est impressionnant quand même. Ils ont pris soin de noter parce qu'ils ne devaient pas raconter leur vie sur les tablettes à l'époque. Non, c'était une donnée importante. C'est ça, exactement. Pour être sûr de savoir à quoi on faisait affaire. Un peu plus tard, chez les Égyptiens, on a bizarrement que très peu de données. Ouais. Puis aussi, d'ailleurs, on ne retrouve pas de mots. Le scarabée n'est pas un symbole en ancien. Pour l'insecte. Le scarabée est vraiment considéré comme étant une autre entité. D'accord. Donc, il n'y a pas de mot pour le mot, pour le terme insecte. Uh-huh. Et c'est sûr que c'est pas parce qu'il n'y en avait pas, il y avait des insectes à l'époque, bien sûr, même que les archéologues ont trouvé quand même des fossiles entomologiques sur plusieurs tombes et dans les pyramides aussi. Uh-huh. Et à quel moment ces insectes ravageurs qu'on retrouve associés aux grains de céréales, est-ce qu'ils sont arrivés en Europe? Avec les Romains, ça c'est sûr et certain. Ouais. Les Romains se promènent beaucoup aussi, c'est plus facile pour les insectes de se rendre pour l'Europe au grand complet. La géographie des lieux fait aussi qu'on retrouve plus de sites archéologiques avec des meilleures conservations pour les insectes. Donc c'est sûr que c'est plus facile de ce cas d'en trouver. Les sites romains, qu'ils soient en France, en Espagne, en Italie ou en Allemagne, nous donnent une assez belle vue d'ensemble. D'ailleurs, les insectes se retrouvent dans des échantillons de céréales calcinées ou carbonisées. Et comme j'ai mentionné plus tôt, l'Angleterre est une mine d'or pour les insectes fossiles. Les données actuelles, justement, nous permettent pas d'attester la présence de ces insectes-là avant l'arrivée des Romains, mais à partir de 40 de notre ère, là, on a ces insectes-là. La période suivante, c'est un petit peu plus bizarre. Au Moyen Âge, les données sont très rares, et ce, partout à travers l'Europe. Et là, ça se demandait pourquoi. Est-ce qu'il y avait littéralement moins d'insectes ou c'est juste qu'on n'a pas fait de bonnes trouvailles encore? Moi, ça reste aussi à voir. On ne peut-être pas chercher au bon endroit. Exactement. Mais les insectes ravageurs sont de retour en masse lors de la période moderne. D'ailleurs, on retrouve substantiellement plus de Cytophilus que toute autre espèce sur les sites archéologiques. Parce que à cette époque-là, l'usage voulait que les grains de céréales soient mieux nettoyés que dans le passé. Et les Cytophilus sont normalement plus petits en grosseur que la plupart des autres insectes. Et ils ont d'ailleurs quasiment la même taille que les grains. Mm-hmm. D'ailleurs, ils peuvent même se cacher à l'intérieur des grains. Donc, quand on passe les grains au tamis, ben ils passent avec. Exactement. Donc, ils vont en rester plus que les autres de ces autres espèces-là. Éventuellement, les insectes ravageurs vont se rendre en Islande, au Groenland et en Amérique du Nord. Et dans le cas de l'Islande et du Groenland, ce qui n'est pas surprenant, ce type d'insectes-là s'y trouve qu'occasionnellement, si on veut, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment rester. Et les céréales, ils poussent difficilement, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de stockage de céréales. Ouais. Et en Amérique du Nord, les insectes arrivent, c'est pas surprenant non plus, au 17e siècle, avec toutes les colonies qu'on retrouve au continent. Mm-hmm. Et à part la propagation de ces insectes ravageurs dans le monde, que nous apprennent ces insectes fossiles sur le mode de vie des humains de la même époque? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Oui, quelques conclusions. En fait, c'est sûr que d'une part, c'est assez clair que ces insectes-là étaient nuisibles pour les productions de céréales stockées par les humains. Mais là, reste à savoir dans quelle ampleur ça le fait perdre des stocks. En étudiant les sites archéologiques, pour mieux comprendre la localisation, l'utilisation et les fonctions des pièces qu'on découvre, on s'aperçoit qu'à plusieurs occasions, les insectes qui ont été retrouvés étaient à l'intérieur, d'étables. Il est donc possible, c'est une théorie, qu'une fois que les céréales destinées aux humains étaient infestées, bien, on les redistribuait peut-être. On les recyclait à des animaux, aux chevaux et autres bestiaux qui étaient probablement moins sensible à ce type de nourriture-là souillée. Mais c'est sûr que c'est pas le seul type d'endroit, la seule localisation où on a trouvé des échantillons de fossiles entomologiques. On en a aussi trouvé dans les latrines. Ah. C'est un mot plus fancy pour parler de... des toilettes. De toilettes, exactement. Là, c'est sûr qu'on peut s'imaginer le genre de passage comme quoi qu'ils sont rendus là. C'est sûr que ça peut être autant parce qu'ils se sont introduits par eux-mêmes ou par l'ingestion humaine aussi. Oui, absolument. En tout cas, c'est assez fascinant tout ce qu'on peut faire dire à des morceaux d'insectes calcinés quand même. Puis c'est fascinant qu'on puisse les retrouver 7000 ans plus tard encore, puis qu'on puisse les identifier, les dire que c'est du Cytophilus. Exactement. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude, pour cette promenade autour du monde à dos de Cytophilus. Merci. On fait une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et ensuite, Camille Vellefebvre nous dira d'aller jouer dehors. C'est bon pour la santé et pour l'économie.